Le cabinet d'errance, un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment nouveau. Le cabinet d'errance, sur un souffle, une phrase, voire même un adage débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien. Oh, ouais. Ah oui, non. Ah oui, la deuxième. Ah oui, non. Hey, Laura. Parce que celle qui a popularisé cette chanson-là, Self-Control, c'est Laura Branigan. J'étais amoureux de Laura Branigan quand J'avais à peine 16 ans, j'étais amoureuse, j'avais à peine 16 ans. Un cheveu n'était pas gras, il descendait sur son moelleux. Je la cherchais doucement sur elle. Elle revenait vers moi et courait pour ne pas que je la rattrape. Laura Branigan, Laura Branigan, Laura Branigan, Laura Branigan, Laura Branigan. Jusqu'au moment où elle était devenue un homme. Oh! Bam! Serais-tu devenue un homme? Serais-tu devenu un homme? Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait sur son rayon, mais sur ses sujets beaux en l'air. 25 ans d'amour. Alors donc, la phrase, c'est « L'éternité se voit pousser du poil au nez. » Ben oui, avec le temps. Avec le temps, va, tout s'en va, même nos plus chouettes souvenirs. Ça donne une de ses gueules dans la galerie, je fafouille, dans les rayons de la mort. C'est bien certain. Hey, ça prend tellement d'espace, de temps. Il y a des temps morts, il y a des temps longs, il y a des temps pour rire, il y a des temps pour pleurer, il y a des temps pour des deuils, il y a des temps pour se marier, il y a des temps pour avoir des enfants, il y a des temps pour divorcer, il y a des temps pour rencontrer d'autres filles, il y a des temps pour rencontrer d'autres demoiselles, d'autres enfants, d'autres amis, d'autres hommes. Il y a du temps. On a du temps, mais pas vraiment le temps parce qu'on est chronométré à la naissance. Hein? Hey, attention, mon champion! Toi, je te dis que dans cette improvisation de la vie, tu n'as que 32 années à vivre. Ah, oh, pas 32, 32 années à vivre. Oh, mais c'est pas long, 32 ans. Là, faut pas que je fasse des hautes études, moi, là, faut que j'arrête au second, hein? Faut que j'arrête à 17, 18 ans. Il faut que j'arrête à 16 ans. Non, le gouvernement t'obligera dans quelques temps, hein, de poursuivre jusqu'à 18 ans. À 18 ans, là, hein, le gouvernement va te suivre derrière ton derrière. Et ça va sentir. Moi qui me lave pas avant le mercredi parce que j'ai un problème de peau au niveau rénal. Rénal? Ah oui, j'ai le rénal pas mal crémeux, mais c'est parce que je peux pas me laver le rénal trop souvent. Ben voyons donc, oui, comment ça? Ben j'ai une maladie en tout cas, dans le cul, le capiculaire. C'est des cheveux, non, moi, c'est en bas des cheveux, là, j'ai du poil en bas de la... Trou de pète, hein, toi, le trou de pète, oh, mon trou de pète, serais-tu devenu un homme? Oh, mon trou de pète, serais-tu devenu un homme? Alors, l'éternité, ça se voit plus, là. On voit même plus le temps de prendre le temps de se faire plaisir. Il y avait une émission, il y a quelques années, à la télévision d'État, au Québec, qui s'appelait « Le temps de vivre ». C'était une émission qui ciblait le troisième âge. Aujourd'hui, on est rendu quoi? À 18e âge. 18e âge, c'est quoi? 256 ans. J'espère ne pas vivre jusqu'à 256. Voilà, là, je suis déjà fatigué. J'en ai 23. Regarde, j'ai la repousse qui peigne dans l'huile, puis j'ai l'huile qui baigne dans la secousse, puis j'ai la secousse sismique qui tombe dans le remords. Et quand la secousse sismique vous tombe dans le remords, là, ça t'amène à mal dormir, à réfléchir pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi tu devais faire, mon... C'est toutes des interrogations là qui t'amènent tranquillement vers le troisième boulon du troisième cercueil. Puis là, tranquillement, tu te dis, hey, moi, je veux pas l'oreiller. Là. Hey, si c'est pour l'éternité dans ce cercueil-là, là, il me semble que cet oreiller-là... En dentelle, en plus. J'aime ça en flanellette. Moi, je veux que ça me caresse le pouce. Ça me fait glisser. J'aime pas ça glisser sur une tête d'oreiller. Ouais, ben. Excuse-moi, mon petit numéro 1. Oui. Mais c'est. Oui. C'est oui, ben, t'as un peu. Oui. Ben, laisse-moi parler, toi. Oui. Hey. Laisse-moi parler toute une vie. Ouais, mais ça risque de pas être facile, hein. Non. Mais c'est. Écoute, le flanellette, là, c'est très bon pour toi. Pourquoi? Parce que ça flâne, puis c'est laid. Comme toi, c'est laid. Je suis laid, tu es laid. Je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Toute ma vie. Ça sèche lorsque tu pars. Et toute ma vie trempe dans ce whisky, je ne sais plus où aller. Même dans ce dortoir, ce soir, cette nuit, ce vendredi, je suis malade. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec. Avec mon désespoir, je suis. Oui, yeah! J'ai eu le concours à Paris et tout de suite je me suis dit c'est là où je veux aller. Et très vite. Pourquoi la ville te plaisait par sa diversité, par sa. Je savais que c'était là-bas si je voulais devenir quelqu'un différent ou quelqu'un de. Pour percer. Voilà, en fait, si tu veux, il y avait un truc que je supportais pas dans la vie déjà toute petite, c'était de passer inaperçu. D'être parmi la foule, d'être. Méconnue. Voilà. Tu voulais être reconnue. Ouais, je voulais être reconnue déjà très très tôt. Tu voulais pas vivre uniquement dans l'anonymat, tu voulais être. Non, je voulais vraiment être. L'inverse de mes parents, enfin tu vois, et ça a été hyper puissant, enfin c'était quelque chose, enfin qui est encore là et qui, et qui me mène, enfin tu vois. Alors je pense que c'est une espèce de revanche sur la vie, tu vois. C'est voilà, j'en ai chié, je vais vous montrer que c'est un peu ça, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Donc c'est dirigé à mes parents, vers mes parents, vers la société, vers plein de choses. Et donc je suis venue à Paris faire mes études de psychomotricité. Donc je t'expliquais après, j'ai fait une super dépression et j'ai eu l'opportunité, à mon avis, tu vois, enfin je, de plus en plus je crois quand même à quelque chose de, d'une espèce de destinée, une étoile qui te. Parce que très vite, pendant que j'étais étudiante, j'ai rencontré par hasard Alain Chamfort. Oui, oui. En quelle année ça? J'avais 22 ans. Ok, mais quand je suis arrivée à Paris. Alors ça devait être 90. Oui, un peu après encore. 97. 86, ouais, voilà. Ok. Et est-ce que c'est avant qu'il soit remercié par sa maison de disques ou après? Avant. Ok, ah oui, ok. C'est ça, 96-97. Ouais, peu de temps avant. Y'a trop de ci, y'a trop de ça, trop de vice-versi, pis de vice-versa, trop dans tout cas, trop dans tout cas. Trop d'arrogance, pis trop de guerre, trop de manigance, d'amour vulgaire, trop d'avocats, pis en tout cas. Trop de crosseurs, trop de crossés, trop de baiseurs, trop de baisers, trop des mêmes faces, trop de péteux, trop de limaces, trop de têteux, y'a trop de chip, de lettres qui tombe à plat, trop de souffle et puis trop de souplats. Y'a trop de clics, trop de clowns tristes, trop de gamiques syndicalistes, trop de flafla, trop de flafla. Trop de niaiseries, trop de douleurs, trop de conquéries, de violons qui pleurent, trop de galas. Trop de trop plein, trop de trop vite, trop de terre plein entre deux bits, trop de divans, trop de divas, trop de vivants, trop de vivas, y'a trop de chiffres, de lettres qui tombent à plat, trop de souffle et puis trop de souplats. Y'a trop de maraudes, trop d'émissions, d'ethnies de fraude, pis d'agressions. Y'a trop de trous, trop de poussière, trop de trous mous, trop de misère. Y'a trop de chiffres, de lettres qui tombent à plat. Trop de sous-fifres, pis trop de sous-plats. Trop de pouilleux, trop de bombeux, trop de Stéphane, trop de gros roux, trop de Mohamed, trop de quatre roues, trop de néons, trop de néants, trop de prophètes, trop de chevreuils, trop de chanteurs, trop de chefs, trop de promesses, trop de coupes à blanc, trop de comédiens, trop de névrosés, de politiciens, pis de défilés, pis de conneries télévisées, trop de gangs de faiseux, de style du plat, trop de paradis fiscaux, trop de l'ifouette, semi-même, ouais, ça, trop de poupées, jamais, que ça arrive, trop de mégane, trop de religion, trop de méthane, trop de pollution, trop de cotonnerie, trop de guerre, trop de fort, trop de feu, trop de pub, trop de natte, la glabe, pis trop, c'est trop! Ouais. On va tout parler avec la langue sortie. Ouais, mais il n'y a jamais trop de plumes la traverse. Hein? C'était Plume la traverse. Mieux connu, son véritable nom, c'est Michel. Michel qui traverse plus. Alors, Michel. Plume la traverse avec trop Anne-Sophie Charon, la douce Anne-Sophie, que je veux la rencontrer encore en 2011. Ah oui, j'ai été sous le charme. Je mangeais avec elle. J'ai dit que je vais manger avec elle. les Hélicopters avec 07-455-SD. Comment aller pas ça sur Internet? C'est introuvable, j'ai tout acheté! On s'en va vous envahir tranquillement ce soir! Attention, pas ce soir, demain matin. À l'orée, l'auras-tu découvert qu'à 6h15, des missiles vont arriver bizarrement sur une planète que l'on appelle la bière? La Terre. Voyons donc, oui. Alors, encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisité ici et maintenant. Là, ça me gêne un peu parce que c'est Steven Spielberg. Les gens s'imaginent que Steven Spielberg, c'était un États-Unien. Il était né aux États-Unis, c'est un réalisateur intelligent, il n'a jamais été intelligent, il s'appelle Sylvain Robert, il restait à Duberger, ça c'est en banlieue de Québec. Et ce qu'il faisait, lui, à l'époque, c'était des petits films Super 8, où il filmait sa copine. Sa copine qui riait, sa copine qui pleurait, sa copine qui l'appelait, sa copine qui recherchait des photos, sa copine qui faisait de la soupe, sa copine qui avait une grippe et qui se mouchait, et sa copine. Spielberg est devenu un malade. En fait, c'est pas Spielberg. À l'époque, il s'appelait pas Spielberg, madame. Il s'appelait Sylvain Robert. Oh, tranquillement, il a dit, « Moi, là, c'est les États-Unis que je veux viser. » Ben oui! Tout le monde veut viser ça, les États-Unis. Mais... ça prend juste des bons... des bons senseurs pour s'y rendre. Mais lui, c'était Sylvain, là, il regardait les grands films, hein, des années 40-50, Humphrey Bogart, Casablanca, la vodka, Casablanca, de vodka, de vodka, Casablanca, bangi bongo, la boga, gagi bongo, gaga bongo, gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga gaga. T'as des beaux yeux, tu sais. Non, ça, c'est Gabine. C'est Jean Gabine. C'est pas rien à voir avec les États-Unis d'Amérique. Sylvain rêvait de grands espaces états-uniens. C'est pas le cas, là, à New York, là. C'est des grands buildings. C'est des édifices. Tout est pollué, tout est sale. Mais là, il voulait refaire le genre humain. Puis c'était aussi un amoureux de Walt Disney, la grosse morale de Walt Disney. Hein? Comment tu l'appelles, là, le c'est pas un chevreuil, là, c'est Bimbo. Non, ça c'est l'éléphant. L'éléphant volant. Non, c'est monsieur le chevreuil, là, pas le pan pepon pepon pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan, c'est un Père Noël. Non. Enfin, celui là qui glisse sur la glace. Normalement, quand t'es sur la glace, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi, je me verse un bon verre sur la glace. Non, ben, lâche-moi la verre puis la glace, là, quand t'es un chevreuil. Ben, j'ai jamais été un chevreuil, moi, là. Puis j'ai déjà de la misère d'être un humain, puis comment tu veux que... Pardon? Non, j'ai déjà de la difficulté à vivre ma vie d'humain. Penses-tu que c'est pas un chevreuil, c'est un pan? Comment? C'est un pan. Ah oui, c'est un pan de vie. Et lui, il adorait la morale. Alors, Sylvain s'est dit, Sylvain, ça fonctionne pas très fort aux États-Unis, c'est pas vendeur. Alors Spielberg, Steven Spielberg. Et monsieur, là, il a dit, moi, je veux faire un défi. Là, il appelle à Mel Gibson qui était, hey, il est en train de prendre sa femme puis de l'enfirouaper, de dire, hey, tu vas m'aimer, toi, là, hein? Tu vas m'aimer. Puis là, Mel Gibson, hein, il était déjà très virulent à l'époque, là. Il était une vivacité. Violent? Non, une vivacité, pas violent. Parce que là, ils vont traduire, ils vont dire violent, puis là, ils vont m'actionner, puis j'ai pas le mot de sel, moi, là, je suis dans la rue, moi. J'ai déjà de la difficulté à m'acheter tout l'appareil technique pour faire ces coins. Je suis dans la dette. Si vous voulez nous donner de l'argent, Rennes dans le Québec, R-A-Y, N-O-L-D, faites-moi des chèques sans provision, s'il vous plaît. Passez-moi de vos cartes clonées. Clonez vos cartes, faites-moi... Je suis capable, je suis en dérisoire. Spielberg. Steven Spielberg. Hey, qu'est-ce qu'il voulait, ce gars-là, là? Il voulait devenir la tête dirigeante cinématographique du 7e art contemporaine. Reine. Il voulait être la reine des cinéphiles, le ou le roi. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait d'autre. Il voulait être reconnu à sa juste valeur. Mais comme il vaut rien, Steven Spielberg, on l'oublie. On va l'oublier. Hey, attention! Moi, j'aimerais savoir, là, actuellement, là, c'est comment qu'on freine. Je voudrais qu'on me sorte de là. Pouvez-vous me sortir? Sortez-moi. Sortez-moi, s'il vous plaît. Sortez-moi. Pousse ton genou, je passe la troisième. Ça fait jamais qu'une banque est humaine. Je sais pas si je veux te connaître plus loin. À de me dire que je vais pas bien. C'est comment qu'on freine? Je voudrais descendre de là, c'est comment qu'on freine. Je voudrais descendre de là, cascadeur sous Ponce Pilate. Cherche un circuit pour que je m'éclate. La lune s'égare, je peux contrôler. Les vitesses, c'est déjà plus calé. C'est comment qu'on freine. Je voudrais descendre. Ces cosaques braillent le canon. Je nage dans le boulot, je rêve d'évasion. Caractériel, je sais pas dire oui. Dans ma peau cervelle, carton mouillé. C'est comment qu'on freine. Je voudrais descendre. Je me colle au pare-brise, ça me gêne. Ça sent cramé sous les brochures. Regarde où j'en suis, je traîne l'eau et nous. C'est comment qu'on freine. Je voudrais descendre de là. C'est comment qu'on freine. Je voudrais descendre de là. Ce qui était super, c'est que en fait, je suis allée voir une émission de radio avec des amis. Et moi, j'aimais pas du tout Alain Chamfort. Enfin, voilà. Ouais, à l'époque. Hein. Mm-hmm. Je me disais, c'est un. Mais c'était qui tes chanteurs que tu adorais, que tu écoutais? À l'époque, tu sais, j'étais. En fait, ça faisait une dizaine d'années que j'étais dans une espèce de dépression, sans le savoir, tu vois, avec pas d'envie, pas de curiosité, pas de. Donc, c'était. À l'époque, c'était encore les vinyles de mes parents, c'est-à-dire Brel, Brassens, Barbara, avec Gainsbourg, avec aussi Patti Smith, Pink Floyd, tout ça, tu vois. Grâce à tes parents. Grâce à mes parents, j'ai eu quand même ces deux cultures différentes. Et que ta mère était plus Barbara, puis ton père était plus Pink Floyd. Exactement. Okay. Et voilà, donc j'ai rencontré Chamfort dans cet enregistrement radio. Et en fait, pendant toute la. Sur quel réseau? RTL? Je sais plus si c'était RTL ou. Ouais, peut-être RTL ou enfin Radio France ou je sais mais pas. Mais tu étais invité par Alain Chamfort? Non, pas du tout. Tu sais, il propose, c'est des enregistrements en public, c'est un vrai concert. Oui, okay, les gens sont là et voilà, assistent. Okay. Et applaudissent. Ok, oui, ok, t'étais spectatrice. Voilà. Okay. Et en fait, pendant tout le concert, il m'a regardée.

Vous écoutez CKRL de 89.1 à Québec. On enchaîne avec la musique et on revient avec une nouvelle improvisation. Attention, agrippez-vous. Serez-vous capable de rester jusqu'à la fin? Shorty, I'm here for you anytime you need me. For real, girl, it's me in your world. Believe me, nothing make a man feel better than a woman. Queen with a crown, that be down for whatever. There are a few things that's forever. My lady, we can make war or make babies. Back when I was nothing, you made a brother feel like he was something. That's why I'm with you to this day, boo, no fronting. Even when the skies were gray, you would rub me on my back and say, baby, it'll be okay. Now that's real to a brother like me, baby. Never ever give my pussy away and keep it tight, alright? And I'ma walk these dogs so we can live in a fat ass crib with thousands of kids. Word like, you don't need a ring to be my wife. Just be there for me and I'ma make sure we be living in the fucking lap of luxury. I'm realizing that you didn't have to fuck with me, but you did. Now I'm going all out, kid, and I got mad love to give. You my nigga. You're all that I need, I'll be there for you. If you keep it real with me, I'll keep it real with you. Loving your whole steez, it be in there, boo. On top of that, you got the good power, you. You're all that I need, I'll be there for you. If you keep it real with me, I'll keep it real with you. Loving your whole steez, it be in there, boo. On top of that, you got the good power, you. I gotta love Jones for your body and your skin tone. 5 minutes alone, I'm already on the bone. Plus, I love the fact you got a mind of your own. No need to shop around, you got the good shit at home. Even if I'm locked up north, you in the world, rocking 3/4 of cloth, never showing your stuff off, boo. It be true, me for you, that's how it is. I can be your Noah, you can be my Wiz, then I can be your son. You can be my earth, resurrected God through birth, let's believe. You're all that I need, I'll be there for you. If you keep it real with me, I'll keep it real with you. Loving your whole steez, it be in there, boo. On top of that, you got the good power, you. You're all that I need, I'll be there for you. If you keep it real with me, I'll keep it real with you. Loving your whole steez, it be in there, boo. On top of that, you got the good power, you. Et plus maintenant, hein, maintenant ça va très bien. Mais voilà, donc j'ai eu la chance aussi d'avoir un ami qui m'a trouvé un boulot juste après, en sortant de ma dépression. En fait, j'ai habité chez le fondateur de Télérama et de la Vie catholique. Oui. C'est un homme formidable qui s'appelait Georges Jourdain, qui avait 100 ans et dont je m'occupais. C'est-à-dire que j'étais nourrie, blanchie, payée. Excuse-moi, j'ai mon téléphone. Ah non, non, non, vas-y. Allô ? Oui. Je suis en ITV, là. Non, je t'en prie. Ah, bah c'est pas grave. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Attends, Mathieu. Je vais, là en fait je suis à la place verte. Je vais passer tout à l'heure après mon interview pour filer un chèque à Olivier. Il y aura quelqu'un? D'accord, parfait. D'accord.

The Doors. The Doors est un film américain d'Oliver Stone paru en 1991. Il relate l'histoire du groupe The Doors et de Jim Morrison, de leur début jusqu'à leur réussite. Le scénario a été écrit par Oliver Stone et Randall Johnson. Alors l'improvisation va s'amener après cela. Écoutons. Ça va, Andy? Ah, super! Et il y avait tellement de monde à l'expo que plusieurs tableaux ont été bousculés. Et, ils ont été obligés de tous se décrocher. Alors, ça ressemblait vraiment à quelque chose. Rien que les murs, c'était Andy, l'œuvre d'art. Tu devrais faire l'expo avec des murs vides. Nous aimerions vous utiliser dans un de nos films, Jim. Vous êtes vraiment une beauté. Vous savez ce que dit Andy. Et un jour, tout le monde sera célèbre pendant 15 jours. Ça serait vraiment génial. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... C'est le chanteur qui compte par la chanson, hein? C'est l'astronaute par la fusée. Ou pour parler vulgairement, le trip par la descente. Quelqu'un m'a donné ce téléphone. Je crois que c'était Eddie, non? Oui, c'est Eddie. Oui. Et elle a dit que il y avait Dieu au bout du film, mais je n'ai rien à lui dire. Tenez, c'est pour vous. Ah, vous pouvez parler à Dieu. Allô, Dieu? C'est au Dieu, mon Dieu, ce que tu nous fais souffrir actuellement en 2010, là, mon Dieu. Premièrement, excuse-moi, est-ce que tu sais qui est au bout du... Y a-tu quelqu'un qui répond? Ben oui, mais c'est Dieu qui est là. Hey, Dieu, excuse-moi, là. Mais il y a des problèmes techniques ici en bas. Je sais pas si tu vois ça, là. T'es-tu branché, toi, là? Premièrement, là, c'est pas ça que je veux savoir. Excuse-moi, mon Dieu, là, mais ce que j'aimerais... Allô, y a-tu quelqu'un qui répond? Ben oui, on a répondu, toi, là. Lâche le téléphone, y a quelqu'un qui a répondu. Gaston, y a téléphone qui sonne, y a jamais personne qui répond. Mais là, on a répondu, c'est Dieu qui est au bout du fil. On a des problèmes techniques actuellement ici, mon Dieu. Cherchez-moi, amenez-moi un peu. Un jour, deux jours, tant mieux. Hey Dieu, là, ça fait pas deux jours, ça fait deux. Alors, on est quoi, en 2010? Ça fait 2010 années. Où ça va pas très bien au Québec, dans la planète, mais surtout à Québec. Concentre-toi à Québec, toi. Le Sarkozy, oublie-le, mon Dieu, tabarnak! T'es toujours branché là-dessus, toi, là. Lâche le Sarko, là, c'est un... Il est avec il est avec d'autres, lui, là. Nous autres, écoute, sauvez-nous, on est dans une francophonie. On veut rester francophone, on veut parler français. On veut garder la langue. Toi, quelle langue parles-tu, mon Dieu? Mon Dieu, dis-moi, quelle langue... Allô, y'a-tu quelqu'un qui répond? Lâche la ligne, toi. Lâche des lignes. Là, arrête de sniffer ta ligne de vie, toi. Qu'est-ce que je dis? Dieu, tu m'entends? Bon, si tu m'entends, ben oui, t'es là. Le premièrement, là, j'ai arraché. Mon Jim Morrison était parti avec l'autre, là, Andy Marol. J'ai dit, Marol... J'ai juste une parole, mon Marole. Alors, ferme-la. Fait que, hey, mon Dieu, s'il vous plaît. Tu m'entends. Moi, je t'entends pas parce que j'ai pas l'oreillette. On n'a pas les moyens financiers actuellement. On a tout acheté, sa console. Et c'est malin. On a toute la console ici. Mais on peut pas recevoir d'appel. On n'a pas la petite boîte de CKRL. Puis je suis pas à CKRL actuellement. Voilà, alors. C'est CKRL qui me diffuse, mon Dieu. C'est bon, hein, ça, mon Dieu, pour ma carrière. Mon Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver, mon Dieu? Hey, c'était Errance Rinaldienne. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Jeudi à 23h59. Avec Dieu et tous les autres. Hein? Je me vois. C'était Renal Gagné. Ici allongé par terre. Avec la fille tout attachée. Le corps me croit. Près de moi. Et.

je sais pas, ton nom ou le surnom de ton personnage? J'écris en tant que la fille. Parce que je pense que si mais j'étais que Anne Sophie. Est-ce que c'est oui. le concept du disque ou si c'est le surnom que tu t'es donné? Non, c'est pas le concept du disque, ça l'est devenu après. OK. Pourquoi ce surnom-là? La fille. Mais lui aussi, la fille. La fille mais... tout attachée. Ouais. Parce que j'avais envie que ce soit un nom à part entière, quelque chose de, comment dire, de global, tu vois. J'avais pas envie de la, plus loin, fille. La fille, si tu veux, si tu le sépares, tout le monde dit, tu connais la fille qui a... Oui, mais c'est alors que global, la fille, du coup, la fille, ça devient un nom, ça devient... C'est pas un adjectif plus un nom, ça devient comme quelque chose comme un groupe. Groupe de filles, la fille. As-tu regardé la fille? La fille, ça devient un personnage. Mais impersonnel aussi, c'est la fille. Ah non, du coup, c'est personnel. Ah oui? Ah. C'est moi, la fille. Ah oui, c'est toi, la fille, mais quand tu as vu la fille, c'est impersonnel. Oui, tout à fait. Okay, voilà. Okay. Donc, du coup, c'est plus impersonnel. C'est toi. C'est exactement ça. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. On ne sait pas d'où l'on vient, certainement pas où l'on va. Souvent on se dit que l'histoire a tendance à se répéter. Il faut croire que nos mémoires ont parfois quelques ratés. Et malgré les leçons passées, on ne sait jamais si l'on fait le meilleur choix. Le meilleur choix. Le meilleur choix. On ne sait pas vers qui se tourner, qui saura nous aider, qui nous montrera la voie pour éviter les faux pas. Parfois on croit que ça ira mieux, car on y est enfin arrivé. On a tranché, on est heureux, c'est le moment tant espéré. Mais l'instant d'après, on se demande si l'on fait le meilleur choix. Le meilleur choix. Le meilleur choix. Le meilleur choix. C'est à se demander si le bon choix existe, si l'on n'est pas amené à faire surtout le moins mauvais. C'est à se demander si le bon choix existe, si on n'est pas amené à faire surtout le moins mauvais. On pèse le pour puis le pire. Impossible de s'abstenir, faire ce pari, ne pas faiblir. De toute manière on sait bien que l'erreur fait l'humain, que lorsque le doute nous étreint, trop réfléchir ne sert à rien. Et comme il n'y a pas de choix parfait, ne reste plus qu'à se satisfaire du moins mauvais. CKRL retourne à sa programmation plus que normale. Alors, les rangs canadiennes se terminent. Merci, c'était Rénal Gagné. Bye bye.